Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Tahiti de l'autre côté du miroir, une série de Delphine Morel et Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a le fantasme des îles paradisiaques et lascives peuplées de vainées, les images de Gauguin et autant de clichés à balayer. Et puis il y a les mythes forgés par les explorateurs, les Tahitiens qui ont pris la mer et ceux qui ne sont jamais rentrés. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui raconte, une conservatrice sur les traces, un anthropologue qui démêle, un metteur en scène qui décrypte, un artiste qui retrouve, une autrice les yeux ouverts et un surfeur qui scrute. Ensuite le décor, l'opéra, Paris, la danse, les salons, l'exotisme, les idées reçues, la mort, la déception, des destructions, l'exploration, des tatouages, des tikis et des sanctuaires. Oi, oi. Aujourd'hui, troisième épisode, oi, oi, on chante. La série documentaire Tahiti perdu, Tahiti retrouvé. Pour France Culture, Noratio Franihirua. Tahiti tie wa here ya uya oe Tahiti tie wa here ya uya oe. Bougainville ramène à Paris un Tahitien et on ne sait rien sur lui. On n'en parle quasiment jamais. Antoine Litti, historien du siècle des Lumières. On sait essentiellement ce que Bougainville nous en dit. Effectivement, Bougainville nous dit que Aotourou aimait énormément aller à l'opéra. L'opéra rappelait à Aotourou les danses, les spectacles musicaux de Tahiti. Il y a une lettre de l'abbé Barthélémy qui fait allusion aux cabrioles d'Aotourou. Donc on peut imaginer qu'il aimait bien danser, sauter, etc. Qu'il devait faire comme ça quelques démonstrations type de danse de Tahiti. Mais au-delà de ça, on n'a quasiment aucune information sur ce que faisait Aotourou à Paris. L'empressement pour le voir a été vif, curiosité stérile qui n'a servi presque qu'à donner des idées fausses à des hommes persifleurs par état, qui ne sont jamais sortis de la capitale, qui n'approfondissent rien et qui, livrés à des erreurs de toute espèce, ne voient que d'après leurs préjugés et décident cependant avec sévérité et sans appel. Comment, par exemple, me disaient quelques-uns, dans le pays de cet homme, on ne parle ni français, ni anglais, ni espagnol. Que pouvais-je répondre? Ce n'était pas toutefois l'étonnement d'une question pareille qui me rendait muet. J'y étais accoutumé, puisque je savais qu'à mon arrivée, plusieurs de ceux même qui passent pour des instruits soutenaient que je n'avais pas fait le tour du monde, puisque je n'avais pas été en Chine. Extrait du voyage autour du monde de Monsieur de Bougainville, 1771. On a des sources sur le séjour d'Aotourou à Paris. Alors, il y en a une qui me semble particulièrement passionnante, c'est Antoine le Litti. Rapport que Charles-Marie de la Condamine va faire sur Aotourou. Alors, Charles-Marie de la Condamine, c'est un des grands savants du XVIIIe siècle. La Condamine est fascinée par ce qui lui apparaît comme l'obsession sexuelle et érotique d'Aoturu. En particulier, un épisode assez amusant qui décrit Aoturu apercevant un tableau un peu rococo avec une Vénus très peu vêtue, et Aoturu se précipite et essaye fémine d'essayer d'arracher le voile qui couvre la Vénus. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, même un savant comme la Condamine, une source qu'on pourrait imaginer comme la source savante par excellence, elle est en réalité déjà totalement habitée par des représentations littéraires, mythiques, des projections un peu fantasmatiques des Occidentaux sur ce personnage d'Aoturu. L'insulaire de la Polynésie que Bougainville a amené en France est à Paris depuis quelques mois. Sa couleur est fort olivâtre, son maintien stupide et sa figure fort laide. Il est de taille moyenne, gros et membré. Il ne peut venir à bout d'apprendre notre langue. Il ne marque pas beaucoup d'étonnement ni d'admiration de tout ce qu'il voit de curieux à Paris. Il a toujours à la bouche le nom de son île, Tahiti, marquant beaucoup de regrets d'en être absent et un grand désir d'y retourner. Il y a un effet de déception. Parce que Aoturu ne correspond pas à l'idée que on se faisait justement et que le mythe de Tahiti avait construit, puisque la lettre de Commerson ou les premiers récits de Bougainville parlent d'une île idyllique, d'insulaires qui sont beaux, forts, intelligents, qui vivent dans la parfaite harmonie de la nature. Or, Aoturu est petit et enfin, il n'arrive pas à apprendre le français. Dans un salon, Aoturu, c'est une catastrophe, hein, il est incapable d'avoir une conversation, une discussion. Et donc le public parisien, notamment la bonne société, très vite vont être déçus par le fait que, au fond, il n'y a rien à en tirer. On en reste à ce stade une espèce de curiosité un peu superficielle. Aoturu ne correspond pas aux stéréotypes faciles de l'exotisme attendu par le public européen. Te mau ahinu hinu, e huru iao te whare ari, aore rui e o i roto, te tafare o te whare te riva ia e ori. Une montagne brillante, telle est la maison de leur roi. Jamais la nuit ne s'invite à l'intérieur. Le toit de sa maison ressemble au ciel que l'on ne peut toucher qu'avec les yeux. Voilà donc une divine maison, et j'y ai été convié. Il me tarde de leur chanter ce que j'ai vu, de leur chanter ma légende. C'est un des deux grands reproches qui lui sont faits par les Européens. C'est d'une part de pas avoir réussi à apprendre le français. Et la deuxième, c'est au fond de manifester assez peu de curiosité pour ce qu'il voit à Paris. Hein. Au fond, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de blessure narcissique des Européens de s'apercevoir que ces Tahitiens venus du bout du monde ne manifestent pas un si grand intérêt que ça pour ce qu'ils découvrent, à part l'opéra, mais c'est à peu près la seule chose qui suscite véritablement leur intérêt. En revanche, il faut noter que Bougainville semble avoir appris beaucoup de choses sur la société tahitienne de la part d'Aoturu. Aoturu est aussi un informateur ethnographique, mais, et c'est une des choses qui est assez belle, c'est que une véritable complicité qui s'est construite sur la durée entre Bougainville et Aoturu. À présent, je ne suis plus celui qui chasse les froids. Je ne renverse plus les bouches funestes. Comme l'ombre, on ne me remarque plus. Quel piètre Ario. J'espère ne pas attirer les mouches du deuil. Ah oui, Ario. Le regret et la solitude m'envahissent. Mon balancier s'est rompu. Je n'ai plus de repère. J'ai besoin de mon soleil, de ma lune, de ma mère. Les miens me manquent infiniment. Finalement, moi qui voulais découvrir le pays des dieux, eh bien je pense que j'en viens. Cela suffit. Je veux rentrer. Après avoir passé un an à Paris, Bougainville a tenu sa promesse, qui était de tout faire pour qu'Aoturu puisse retrouver son île. premier temps à Autourou en mars 1770, a embarqué sur un bateau à destination de l'Île-de-France. À l'Île-de-France, il a attendu pendant presque un an. Évidemment, il n'y avait pas de liaison entre l'Île-de-France et Tahiti. Donc, il fallait monter une expédition qui ramènerait à Autourou à Tahiti. Et donc, finalement, c'est l'expédition de Marion Dufresne qui va embarquer à Autourou en 1771 pour le ramener à Tahiti. Et malheureusement, Autourou est malade. Et il meurt sur le voyage, il meurt à Madagascar, donc sans avoir jamais revu Tahiti. Novembre 1771. Le 6. Aotourou est mort à 8 heures du soir. Nous avons eu le déplaisir de perdre Aotourou, dont la constitution, quoique robuste, avait été affaiblie par les débauches. Sa mort nous a touchés. D'autant plus qu'il était en partie cause de cette expédition et qu'il était bon homme. Je m'étais fait d'avance un vrai plaisir de considérer Aotourou mettant pied à terre dans son île. Je voulais connaître l'effet que produirait notre arrivée. De quel œil il nous aurait regardé, quel travail d'imagination leur aurait causé le récit des mille choses qu'Aotourou leur aurait racontées. Je voulais savoir s'il aurait repris les habillements simples de la vie naturelle et frugale de ses compatriotes. S'il leur aurait fait adopter quelques-uns de nos usages. Malgré l'épidémie à bord et le décès d'Aotourou, le capitaine Marion a décidé de continuer le voyage. Le capitaine Marion Dufresne n'atteindra jamais Tahiti, mais d'autres bateaux européens, eux, arrivent bientôt dans l'île. Le capitaine Cook fait 3 voyages à Tahiti entre 1769 et 1777. En 1789 arrive la Bounty du capitaine Bligh, célèbre pour ses mutins et Marlowe Brando. Puis en 1797 débarquent les prédicateurs de la London Missionary Society. En 20 ans, ils convertissent les habitants dans un contexte d'épidémie qui fait chuter la population, ce qui l'a conduit peut-être à s'interroger sur l'efficacité des dieux ancestraux. À la fin des années 1970, face à la violence du sentiment de perte, un mouvement identitaire de retour aux sources émerge à Tahiti. Le terme Maui apparaît et désigne ce qui est autochtone, ce qui appartient à la terre et à la langue. Les anciens sanctuaires, Marae, qui ont servi de parc à bœufs ou de garage à pirogues, sont réhabilités. Le tatouage, dont la pratique avait disparu, réapparaît comme un signe identitaire. Les danses et chants traditionnels du Eva aussi, à chaque mois de juillet. À Tahiti, pour regarder le futur, il faut regarder en arrière. Rendez-vous avec Tamara Maric, la directrice des collections du Musée des Îles et de Tahiti, dans le splendide jardin du musée qui se trouve au PK 18 de la route côtière, dans le district de Punahouia, pointe des pêcheurs et spot pour le surf. Sur l'île de Tahiti, c'est tous ces principaux, ces très grands marais liés au pouvoir, à la chefferie, beaucoup d'entre eux ont totalement disparu. Ils ont disparu dès les années 1820, c'est-à-dire à partir du moment où Pomare II s'était converti, a gagné en 1815 la bataille de Feipi contre les traditionalistes qui voulaient conserver leur ancienne religion, leurs anciennes coutumes, qui ont été battus. Et voilà. Et quand il a obtenu aussi ce statut, Pomare II, de roi, entre guillemets, mais de souverain, en s'appuyant non plus sur le dieu Oro, mais sur le nouveau dieu chrétien, à ce moment-là, dans les années 1820, il a ordonné la destruction des principaux marais, des temples païens. Donc, est-ce que c'était pour détruire des symboles de l'ancienne religion, ou est-ce que c'était pour détruire comme cela se faisait aussi autrefois pendant des guerres? Quand un district était mis à sac, on détruisait également le marais du chef qui avait été vaincu. En tout cas, les principaux marais auraient commencé à être détruits, rasés à cette période-là. Ensuite, quand les protestants se sont installés, ils s'installent tout naturellement là où les Hari leur disent d'aller, c'est-à-dire sur des lieux qui appartiennent à la chefferie, des lieux qui appartiennent aux grands Hari, qui sont en réalité les grands centres cérémoniels de l'ancienne religion. Donc ici, par exemple, il y avait un marais Taptapuatea à côté, à la pointe Nourua. C'est proche de l'emplacement de la mission protestante de Birders Point à Papetoei à Morea, le premier temple octogonal en plus, reprenant un peu la symbolique du 8 lié aux chefferies des îles. Il a été construit sur l'emplacement de l'ancien marais Taptapuetea. Les Européens sont Serge des enjeux. Serge Tcherkesov, on veut les capter. Anthropologue. Or, nous sommes dans des pays où il y a des chefferies rivales. Donc, l'idée, c'est évidemment de capter son visiteur européen. Ce n'est pas pour faire une alliance politique guerrière, encore que c'est vrai que les Tahitiens ont vu très très rapidement que des Européens qui restent, mais qui ont gardé leurs fusils, devenaient un atout extraordinaire dans les guerres locales. Mais là, on est plus dans le même schéma qu'on aura un peu plus tard, aussi bien dans la Polynésie de l'Est que de l'Ouest, avec les districts ou les villages qui veulent avoir leurs missionnaires. Non pas pour mieux se convertir, mais parce qu'ils ont bien vu que les missionnaires, comme les visiteurs au XVIIIe siècle, sont des sources de prestige et des sources de biens aussi, d'objets intéressants, et on veut les capter. Une partie du succès de la mission a été, non pas du tout comme les missionnaires ont pu le penser parfois, par un engouement pour le message de la Bible, mais pour avoir une alliance à ce moment-là, oui, pour avoir son missionnaire, son palingui, son européen, son popa chez soi. Il y a eu vraiment une utilisation politique à double sens même. Les missionnaires, très peu nombreux, mais ont très vite compris qu'arrivant dans des sociétés hiérarchisées, comme vous disiez, il faut passer par les chefs. Et les chefs eux-mêmes ont très vite compris qu'ils ne pouvaient que recueillir du prestige par rapport à avoir leur propre missionnaire. Donc de ce point de vue-là, ils se sont entraidés pour installer très vite cette nouvelle, entre guillemets, religion. C'était pas tellement des questions de croyance. Il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments communs à la religion polynésienne pré-chrétienne et au message du premier christianisme. Les missionnaires insistaient beaucoup sur la prière collective, mais c'est ce que les Polynésiens faisaient de toute façon, parce que ça, c'était dans leur religion, dans leur cosmologie précédente, mais ça continue aujourd'hui, 200 ans plus tard, à Samoa, dans toutes les familles. Quand la journée se termine, on fait un cercle et on fait de la prière. Les religions polynésiennes, certes avec de très nombreuses divinités ou esprits secondaires, etc., locaux, mais toujours cette grande conception d'un grand démiurge. Mais ça allait très bien avec le message chrétien. Donc le mot qu'ils utilisaient, eux, pour le grand créateur, a été immédiatement proposé par eux aux missionnaires pour la traduction, et dit, là on va dire à toi pour Dieu, on va dire à l'ofa pour l'amour biblique, etc. Alors ici, j'ai plutôt un texte qui est une forme de récitatif, mais c'est un texte de célébration de Tahiti. John Merai, metteur en scène et professeur d'orero, l'art déclamatoire tahitien au conservatoire de Papeete. Je vais le lire en tahitien parce que c'est long en français, hein, mais c'est, on parle de Tahiti, guerrier, Tahiti, grand Tahiti. Alors, ça c'est 1820, ce sont des textes qui ont été recueillis après l'arrivée des missionnaires. Hein. Les missionnaires sont arrivés en 1797 et je pense que ces textes ont été recueillis 20 ans après, une fois que le pays a été christianisé. Donc les pasteurs ont eu ça à partir d'anciens prêtres convertis. Ah, tiens! Par contre, je veux dire quelque chose je vous avais dit que les gens de Réété détestaient les gens de Tahiti. Hein. Et justement, voici une invective contre Tahiti. Grand Tahiti sans Dieu, Tahiti vantard, Tahiti insouciant, Tahiti désobéissant. Grand Tahiti capricieux, à la voix insinuante, ô petit Tahiti qui se tient sur la frontière, etc., etc. Grand Tahiti, petit Tahiti, voilà. Tu n'es qu'une partie de nous-mêmes. vous êtes le poisson, c'est-à-dire le poisson de l'été, le poisson, c'est-à-dire le parc à poissons, le parc à poissons, le poisson étant les sacrifiés. Alors voilà ce qu'on dit de Tahitien, les gens de Tahitien, ils sont gentils. Hein. Alors ça donne ceci en tahitien, lorsque Tahiti par exemple se vantait, hein, je suis Tahiti, Tahiti la belle, Tahiti, Tvayuriro, Tahiti, Mariaria, etc. Les gens de Tahitien répondaient, Tahiti eve eve, Tahiti nui manahune, Tahiti nui atua ore, Tahiti nui moe arue, Tahiti rei faea, Tahiti faro ore. Tahiti hei fea fea, Tahiti reo mona, Tahiti iti e tumai hiti, orea iti raravaru e oea toa taipa o to matau ia, Tahiti nui e Tahiti iti, mai hava inui te... Ce que je viens de lire, ça vient du livre de Theo Henry, qui était la petite fille du pasteur Osmond, et c'est lui qui a recueilli la plupart des histoires, des légendes, les textes, les récitations, les généalogies. Et puis sa fille a recueilli les notes de son grand-père, Theo Henry. Alors, on sent qu'ici, il y a la patte de la fille. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la retenue chez elle. Je vous ai parlé, par exemple, du cru de la langue tahitienne, mais ce n'est pas très joli à entendre, hein. Il vous l'a dit par là. Donc le Aito disait, alors viens, tiens, voici mes testicules. Je te permets de les caresser. Et ensuite, je te tuerai avec ça. Voilà. Mais tu peux les lécher si ça te chante, mais je te tuerai de toute façon avec ça. Voilà. Non, c'est pas très beau, hein. Bon, il y a eu bien sûr certaines oppositions, parce que les missionnaires, c'est là où ils ont eu le plus de mal, ont tenté d'éradiquer les cérémonies à caractère sexuel, le tatouage, la polygamie, bien sûr. Là, ça a mis plus de temps. Parce que pour certaines danses, pour eux, ils les voyaient tout à fait comme étant des danses licencieuses. Ce qui nous ramène d'ailleurs au même malentendu qu'il y avait déjà à l'époque des visites de Cook, puisqu'on a Forster, le premier, qui observe bien les mouvements des danses, qui voit que les danseurs polynésiens utilisent beaucoup les mouvements du bassin du corps. Pour évidemment, ça ne peut être que érotique. Il a fallu attendre il y a à peine 20 ou 30 ans pour que des maîtres de danse hawaïens prennent la parole et expliquent clairement. Mais chers amis, ça fait des millénaires que chez nous, les danses traditionnelles, le haut du corps raconte une histoire. Le visage, les contorsions du cou, les bras. Le bas du corps, c'est un tambour. Il fait un mouvement comme ça parce qu'il rythme. Il raconte pas une histoire. Il n'est pas figuratif. Et vous, pendant 200 ans, vous avez cru que c'était du figuratif et donc, comme vous étiez obsédé par le sexe, c'était du sexe. Le malentendu sur la danse polynésienne, c'est le plus beau malentendu, si je puis dire, dans cette histoire. Et c'est vrai que la danse polynésienne étant l'image même de cette liberté corporelle et donc sexuelle, a scellé pour toujours une certaine vision. Mais oui, il y a cet aspect presque mystique du corps libéré. En fait, on est dans une situation ici où beaucoup de gens se tatouent pour que tout le monde voit. Voilà, moi je suis polynésien. Et moi je me suis imaginé qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont plutôt tatoués à l'intérieur, très discrets, mais qui sont aussi polynésiens. C'était un peu ça de sa vidéo. En fait, on voit donc une boîte lumineuse avec des radiographies dont les os sont tatoués. D'habitude, vous avez dans les expositions ici des gens qui viennent de France, qui s'intéressent à l'art. Et là, il y avait plein de jeunes. Les jeunes, ils venaient les uns après les autres. C'est un truc bizarre, c'est un truc bizarre. Il y a quelqu'un qui a des radiographies et c'est tatoué à l'intérieur sur les os. Il faut que je vois ça. Ça les a complètement fascinés, branchés. Et c'était en 2006, hein, c'était la première exposition où on avait un public vraiment très différent. Installé à Tahiti depuis 1989, Andreas Detloff est un artiste qui s'est plongé dans les livres et les témoignages sur le monde polynésien pré-européen et les temps coloniaux. Affligé par le sentiment de perte, il a la conviction que l'art contemporain peut lutter contre cette disparition. En jouant avec les signes et les symboles des sociétés occidentales et polynésiennes, Detloff propose des œuvres où l'ironie défie les comportements et les stéréotypes. Il est connu pour avoir sculpté d'anciens motifs marquisiens sur des pneus usagés, ou encore créer de faux crânes surmodelés, au nez troué, avec l'insigne d'une marque de voiture allemande très connue. Il y a eu encore des rituels anciens jusqu'à pratiquement en 1900. Il y a eu à René une dame qui est morte et on a fait des rituels anciens. Et après, les os, on les a menés dans la montagne. Quand vous allez dans la montagne, vous trouvez plein d'endroits où il y a ce qu'on appelle second burial, enterrement secondaire. Donc, ce sont des petits cercueils qui sont remplis avec des os. Et les gens, aujourd'hui, grâce à la christianisation, bien sûr, ils n'ont aucun contact avec ces temps anciens, comment ça se pratiquait. Moi, j'étais avec un guide une fois à Papenau. Et on était en groupe, et puis il disait « Ah ben, il y a un super endroit à voir, je vais vous montrer. » Alors apparemment, un de ces petits cercueils avec des crânes et des os longs, ben, il était tombé dans la rivière, il est descendu une partie, et les gens, ils ont vu en bord de rivière, et on pouvait voir trois crânes adultes et des fémurs, et puis un petit cercueil. Et puis il disait « Ah, c'est un cercueil bibi !» Il dit, mais non, c'est pas un cercueil bébé, on rangeait les os là-dedans, il ne voulait pas me croire. Le guide ne voulait pas me croire. La christianisation était tellement parfaite ici, c'était. À un moment donné, c'était le royaume de Dieu sur terre, on pourrait dire ça. On s'éclate. Et c'est dur, parce que c'est. Par exemple, quand j'ai commencé avec les crânes surmodelés, c'était. Ça leur faisait peur, certaines personnes. Hein. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire, parce que j'ai fait ce noix de coco. Ils me disaient, ah, Andreas, pourquoi t'as fait ça? Maintenant, quand je me promène dans une cocoterie, je vois les cocos partir, je vois des crânes partout. Et ça leur fait peur, voilà. Mais si ça leur fait peur, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui subsiste des croyances anciennes. Oui, parce qu'en fait, les missionnaires, ils leur ont dit... Ils ont essayé de les séparer de leur religion ancienne, du culte des ancêtres. Et donc, ils disaient, tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est mauvais. Ça donne la poisse et tout ça. Donc, on leur a inculqué d'avoir peur de leurs anciens rituels de mort. Et dans les Australes, on avait, dans les années 80, 90 encore, des cas de gens qui... les parents venaient de mourir et ils avaient l'impression à la maison, tout était hanté, on entendait des portes claquer la nuit, c'était pas possible quoi. Et puis ils ont dit, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ils sont retournés dans le cimetière, ils ont déterré les cadavres, les ont brûlés. Après la gendarmerie qui arrive, qu'est-ce que c'est que ça et tout ça. Et en fait, la culture ancienne et la culture chrétienne avaient quelques points en commun, comme par exemple le sacré. Mais il y avait des points qui étaient contradictoires. Par exemple, enterrer. Ils n'enterraient pas les gens. Et c'est là d'où viennent toutes ces histoires de tout papa ou de revenant et tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait bien. Flora Devatine. Tout le vocabulaire concerne l'environnement, les coutumes, les croyances, les façonnements de vie, de pêche, de culture, etc. Et tout cela qui va se perdre peu à peu. En premier lieu, tout ce qui concerne la vie religieuse, tout ça, ça va être même coupé, donc interdiction. Or, tous ces mots viennent dire comment la société se pense. Et puis, il y a tous les mots aujourd'hui de notre génération qui n'existent plus. Les gens ne vont plus à la pêche comme avant, parce qu'en fait, il y avait des multitudes de pêches dans les petits trous de corail, dans une crevasse, sur le platier, sur le récif, autour des pâtés de coraux. Ça a des noms spécifiques pour des pêches spécifiques. Donc, disons que j'ai du vocabulaire qui ne sert à rien. Alors, moi, puisque je suis de la presqu'île, donc il y a la pêche de titomo. Allez, titomo, titomo, tomo. Ouais. Je dirais aujourd'hui, personne ne comprendrait. Il y a une autre pêche avec le long de la plage, de la mer, avec un long bambou et une longue file que l'on lance loin. Donc c'est le ahiro. Ouais. En fait, tous ces mots-là, on les retrouve parfois dans les poèmes de célébration de la terre et qui sont chantés sur les airs de Tarava, au fait du Heiva, avant du Tiureida de juillet, et puis aujourd'hui du Heiva. C'est l'histoire du lieu qui est là, par les noms, par ces mots-là. Et parce qu'en fait, on parle beaucoup des noms des lieux, donc de la montagne, de la rivière, de la terre, du lagon, du récif, de l'environnement, des plantes, des fleurs, des poissons, des pierres, etc. C'est, il n'a pas suffi que l'ONU décide de la reconnaissance des minorités, de leur langue et culture, mais il faut le temps pour changer, pour que les gens saisissent et changer les mentalités, et encore c'est pas complètement changé, mais enfin voilà. Et c'est seulement dans les années 80 qu'il va y avoir un revirement au niveau de la population, en tout cas des intellectuels même. Il y a quelque chose qui, on est à côté duquel on est passé. Même loin dans les disciples, même dans les îles, souvent dans les écoles, les enfants de 6-7 ans, ils ne parlent pas tahitien. Tu vas dans une cour de récréation, les enfants ne parlent plus en tahitien entre eux. Ils parlent français. John Merail. C'est là où tu t'exprimes. Mais arrête, donne-moi le ballon. Mais non, on ne peut plus dire en tahitien, mais dire en français. On sait que ça ne va pas, mais on essaie de faire. Alors, on compense ça par des images, la belle tête, les danses, les chansons, le heiva. Alors, le heiva, bien sûr. Donc, nous sommes en plein dans l'expression de la culture polynésienne. C'est vrai, c'est vrai. On apprend à chanter pendant le heiva, on apprend à dire des orero, mais une fois que le heiva est parti, on passe vers autre chose. Mais parce que le peuple n'est plus aussi immergé dans sa langue qu'il était il y a 50 ans. C'est terrible, terrible. Hier, j'étais avec un groupe d'enfants. Je suis allé voir un en disant, c'est bon ce que tu manges ? Il mangeait une mangue. Il me regarde, j'ai parlé en tahitien. Il me dit, hein ? Et puis il demande à son copain, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors je lui dis, ta mangue, elle est bonne ? Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Et je lui dis, comment tu dis mangue en tahitien ? Il ne savait pas. Il a, c'est un garçon de 7-8 ans. Mangue, fruit du pays, manger. Il demande à l'autre, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est triste, non ? On a traversé tellement de bouleversements. Depuis le contact, depuis l'arrivée des travailleurs chinois, depuis la mise en place du centre d'expérimentation nucléaire. Je trouve extraordinaire qu'on n'ait pas tout perdu. Virite Mana, du Centre des métiers d'art de la Polynésie française. Il y a eu une forte pression. Un travail psychologique sur l'acceptation de ce que pouvaient amener ceux de l'extérieur, en disant que on devait être dans un temps moderne, avec le confort, le progrès. Et cette jeunesse éduquée comprend qu'il est en train de vivre une histoire qui n'est pas forcément la sienne. Une histoire qui vient de l'extérieur et qui veut l'amener à être quelqu'un d'autre. Du coup, ils arrivent au centre des métiers d'art en pensant qu'ils pouvaient d'un seul coup se libérer de tout ça et vivre pleinement ce qu'ils sont. Comprendre ce qui a été et ce qui est. Toutes les personnes ressources sont sur le territoire. Oui, il y a des personnes ressources, on les connaît. Ils ont fait partie du renouveau culturel dans les années 80. À un moment donné, je me suis plongé dans les poèmes d'Henri Giraud. J'ai connu Madeleine Mouin pour la danse. Et voilà, il n'y a pas eu de rupture, il y a une continuité. J'aimerais bien que le Polynésien ait ce regard intérieur tourné vers l'extérieur pour raconter ce qu'il est réellement. Sinon, d'autres générations vont suivre et vont emprunter ce regard extérieur tourné vers l'intérieur. Mais ce n'est pas évident parce qu'il faut réamorcer notre manière de penser les choses. Son ennemi à lui, c'était l'argent et le pouvoir qui en découlaient. Pouvoir économique, pouvoir politique, domination sexuelle. Quand on a pris les femmes, on a pris la terre. Il fallait qu'Auguste les empêche, coûte que coûte, de leur voler leur fille. Il aurait pu passer Auguste pour un gars d'une organisation pacifiste, s'il avait fait des études. C'est un peu triste à dire, mais voilà, il n'avait pas la distance qu'il faut pour cela. Il avait juste de la force, et une force mentale. Mais au fond, peut-être avait-il compris, lui, au contraire de tous ces idiots qui roulent pour la protection des peuples autochtones entre deux congrès internationaux, au contraire de tous ces rouquins qui viennent parler d'environnement un joint dans la poche, il avait peut-être compris, lui, Auguste, que le temps n'était plus aux palabres, peace and love, mais à celui de l'action. Il avait compris, Auguste, il avait entendu le sens de l'histoire. Titawa Pehu incarne une des principales voix francophones de la littérature du Pacifique. Avec son dernier roman Pina, elle décrit une famille déchue de Tahiti. Elle livre un témoignage authentique et puissant, à peine fictionnel, sur une réalité sociale. Entre refus de l'assimilation et posture inclassable, elle s'impose comme une auteure incontournable du paysage intellectuel polynésien. Auguste est la figure romancée de les Tahitiens d'une certaine génération. Ceux qui ont connu, par exemple, les essais nucléaires, qu'on a enlevés tout d'un coup de leur vie traditionnelle, entre guillemets, pour les jeter dans une réalité, une modernité, due à l'implantation des essais, à l'urbanisation très rapide aussi de Tahiti. Donc, ce sont vraiment des gens, des hommes et des femmes aussi, qui ont une certaine nostalgie du temps. Oui, voilà, des traditions qui ont été perdues d'un coup, hein, face à, aux expérimentations et tout ça. Voilà, c'est remettre en lumière ce genre de personnages pleins de contradictions, notamment pour leurs enfants, qui pressent les enfants à réussir, mais en même temps qui eux-mêmes ne croient pas au nouveau monde, quoi, hein. Auguste est l'un des derniers, peut-être, qui nous relie à notre passé et qui, en même temps, peuvent faire le lien avec le futur, quoi, enfin, la génération présente. Mais une figure qui tend à disparaître. Et Auguste aussi, c'est quand même l'archétype un peu du Tahitien en qui on ne croit pas, à qui on a fermé les portes de l'instruction, etc. C'est ceux qu'on voit en ville, hein, ceux qui n'ont pas profité des avancées, hein, sociales, etc. Et qui restent quand même cramponnés, un peu comme au passé, etc. Voilà. Oui, parce qu'Auguste, il se réfère donc à Raiatea, à la lutte quand même donc de cette île qui a refusé pendant longtemps l'annexion. Il se réfère, j'imagine, à un héros que moi je connaissais pas, qui s'appelle Matahi, c'est oui, ça? Donc c'est une figure ça. Historique. Exactement. Et lui, quand même, suite à un accident de santé, va devenir quand même un justicier et va se mettre à tuer des Popaha. Donc il y a quand même l'idée qu'on prend les armes. Et donc, est-ce que vous pourriez quand même un tout petit peu parler de cette trajectoire? Parce que c'est une trajectoire où on sent que vous vous interrogez sur les modèles de l'action. Comment agir pour changer les choses, en fait? Consciemment, hein, j'ai forcé les traits du personnage d'Auguste, mais c'est vrai que la lutte, par exemple, chez Auguste, elle n'est pas la même que la lutte chez John, par exemple. John étant la figure intellectuelle, etc., du combat souverainiste, on a à l'opposé quelqu'un comme Auguste, frustre, qui, lui, ne voit que la solution de la violence. Même s'il a quelque part beaucoup de compassion, une énorme compassion, et pour ses ancêtres, mais aussi pour ses descendants. Et voilà, Auguste et John, c'est deux images, deux opposés de la lutte pour l'accession à la souveraineté. Je suis d'une génération, athée, mais qui sépare bien les choses, hein, entre la religion et le politique, hein, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes, comme ceux qui tiennent le parti indépendantiste, sont très chrétiens. Moi, aujourd'hui, enfin, je ne suis pas la seule, on est une génération où on sépare bien les choses. Dieu reste dans ses affaires et si possible, les hommes dans les leurs, quoi. Je suis quand même une femme de foi. Et raconter ce pays, malheureusement, hein, c'est quand même raconter ses croyances, quoi. Des anciennes comme modernes. Voilà. Moi, la langue française, je l'aime aussi, autant, presque autant que ma langue maternelle. Hein. J'en ai pas une image négative, comme beaucoup d'écrivains aujourd'hui voudraient. J'ai aucun souci avec la langue française, au contraire, je la trouve très belle. Voilà. Si on peut aisément être écrivain, engagé, et puis en même temps se servir justement de la langue de la colonie, quoi, enfin de la puissance coloniale. Je vois pas, moi je ne suis plus dans ces problématiques, entre guillemets. Voilà. On est toujours dans les mêmes problématiques, les mêmes combats, dans quelle langue écrire, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a même plus à se poser la question. Vous l'écrire en tahitien, vous le faites en français ou en anglais. Là, on est vraiment dans un petit combat élitiste, bien tahitien, quoi. Voilà. Moi, ce dont j'ai peur, c'est nos représentations à nous-mêmes, dans la littérature, par exemple, ou autre chose, hein, même dans la peinture, d'ailleurs. On est malheureusement toujours, prisonnier du regard de l'autre et surtout de sa conception qu'il a de nous-mêmes. Alors quand on me parle de renouveau culturel, non, je suis pas d'accord, parce que là encore, même quand on est de bonne foi, on tombe toujours dans les codes, et ça nous arrange tellement, ça nous plaît tellement, quoi, en fait, parce que ça ne nous force pas à nous interroger plus. Sur ces représentations. C'est pour ça que je suis un peu pessimiste là-dessus. Renouveau culturel, je le vois pas trop, non. Même si les gens sont dynamiques, on est malheureusement toujours assujetti, voilà, à l'image de l'autre, à ce qu'il voudrait qu'on soit, en fait, voilà. Patou, on est dans quel quartier, ici? Ici on est dans la ville de Papeete, on est dans le quartier de Papeavan. On a une rivière qui s'appelle Papeavan, d'où le nom de cet endroit. Et donc là on est ici chez toi, dans ton salon. Oui, je suis le leader de Tatouba et Patou, c'est mieux. Annabelle a accepté qu'on reste autour de la table pendant que tu es en train de faire deux motifs, l'un sur la cuisse droite et l'autre sur la cuisse gauche. Donc là, j'ai en train de faire le symbole du Matahuapa. Donc ce qui veut dire le regard étincelant. Donc ça, c'est une partie du tiki qui est l'être originel du marquise et en même temps divinité de là-bas, donc tout est relié à Tiki. Hein. Donc ça, c'est ses yeux, c'est pour pouvoir protéger Annabelle, hein, et tout ce qu'elle va entreprendre dans sa vie. Mes premiers tatouages, je les ai faits il y a 10 ans et là, pendant longtemps, j'ai plus rien fait. Et là, pour moi, c'était le moment de me relancer dans quelque chose, une nouvelle histoire, et du coup c'est un peu le passage entre le c'est un peu cliché le passé et cette nouvelle vie. J'avais envie de poser plein de choses dedans et puis de passer à autre chose, quoi. Et c'est comme ça ici en Polynésie, on est croyant sur l'énergie, hein, les forces de l'univers, hein. Bon, c'est ce qui caractérise notre archipel, hein, nos archipels, et ce qui nous lie. Hein. Sinon, il n'y a pas de mana, il n'y a pas d'âme. Hein. Et là, j'ai mis aussi les tours, hein, les divinités. Et tous ces symboles-là, c'est la liberté. Donc, si un jour tu vas en mer, par exemple, t'as pas de GPS, tout ça, mais les indicateurs, sont les oiseaux, hein. C'est eux qui te ramènent à la terre, ce sont des indices, en fait. Les poissons, par exemple, quand il y a des fleurs qui sont à thème ou qui jaunissent, c'est la saison des baleines, c'est ce qui fait la vie des Polynésiens. À quel moment il faut planter la lune, برا فيا رفيرو ايلو توتي فانورا اي او توتي مو برا رهوا اي اي تي اي تاتو نا ناتيارا تني بغادي بغادي لي شوز بو كيس كي ريست ايترنيل سي دو ترانسميتو ماكسيمو ايها اي اي اه او ايها اي Iahe o u iha e iahe o Hio hai hio À côté de la défense des racines maoï, se développe aussi à Tahiti une identité qui valorise le métissage culturel. Nous rencontrons à Papeete un groupe de jeunes artistes, graffeurs, peintres, sculpteurs. Ils s'appellent HTJ, Chronos, Enyo et puisent dans la culture polynésienne qu'il mélange à d'autres influences pour fabriquer une contre-culture qui joue sur l'humour et le détournement. Influencé dans un premier temps, c'est toute la surf culture. Et c'est assez rigolo parce que du coup, je me suis mis à fond dans le boogie et le surf assez jeune. Et je regardais que des vidéos américaines et australiennes, quoi. Alors qu'à la base, le surf, c'est polynésien. Sauf que en fait, ça s'est complètement perdu. Ça a été complètement approprié par les États-Unis, par l'Australie. Et donc, c'était quand t'achetais une planche de skate où y avait un dessin dessus et c'était souvent beaucoup d'illustrations faites à la main qui étaient ensuite sérigraphiées en série sur le... Voilà, donc ça a été vraiment le plus gros. Et après, ensuite, dans les vidéos de skate, j'ai vu le graffiti, chose que nous, on connaissait pas. Il n'y avait pas de graffiti du tout à Tahiti avant, quoi. Et donc, j'ai eu des influences qui n'avaient absolument rien à voir avec la culture polynésienne, quoi. Et donc il y a eu ça, le graphisme, j'habitais à côté du marché, j'avais le magasin Vénus en bas, et donc il y avait toujours les motifs de tissu qui viennent souvent de Fidji et où c'est inspiré tapa, un peu avec des espèces de textures un peu abîmées. Donc il y avait tout ce côté-là imprimé avec des espèces de pétroglyphes, des formes géométriques répétées. Quand tu fais le mix de tout ça, c'est que des univers qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Donc les pochettes de disques de métal, les imprimés de tissus polynésiens, le graffiti donc, qui était vraiment des grandes villes alors qu'ici il n'y en avait pas du tout. Donc c'est un mix de tout ça. Donc, en ce moment je creuse vraiment dans le tiki. Le tiki c'est la représentation du dieu et donc il y avait selon les îles, il y avait un dieu ou plusieurs dieux. Et en fait si tu regardes dans le Pacifique, en gros, les légendes se ressemblent et donc ça a évolué, c'était vivant. Et le fait de vouloir l'écrire et le figer, ça évolue plus, quoi. Et puis après, est arrivé les missionnaires et alors là, ils ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière et ça a fait disparaître. Voilà. Donc j'aime bien prendre un tiki normal qui a été fait pour l'artisanat ici, pour la vente commerciale, vraiment des reproductions qu'ils font en série pour les touristes. Et puis je vais lui enlever le visage et lui faire un autre visage. Voilà. Il n'y a plus de côté sacré. Je ne vais pas faire ça sur un tiki qu'on va retrouver dans un marais au fin fond des Marquises, tu vois, parce que déjà, je ne vais pas avoir envie de le toucher. Et donc, si tu fais la recherche des tikis, il y en a vraiment des bizarres, quoi. Là, le dernier que j'ai trouvé, là, de Reivavé, il se tient sur quatre pattes, quoi, comme une chaise, et il y a une espèce de torse relevé. Il y a un tiki à deux têtes, il y a un tiki avec une trompe qui pouvait respirer sous l'eau. Enfin, il ressemble à un snorky. Non, mais ils sont allés loin, quoi. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, les interprétations des légendes et le bouche à oreille, genre le tiki qui est tout allongé comme ça et qui tient une espèce de trompe, alors qu'il n'y avait pas d'éléphant ici. Hein. Il y avait encore ce pouvoir de création. En gros, il s'inventait des dieux, quoi. Le tahua pouvait mettre l'esprit de quelqu'un d'un défunt à l'intérieur. Et après, il y a le A'a, donc c'est celui-là, là, où en fait, lui, il a pas de yeux, il a pas de visage, il a pas de main. Enfin, si, il avait des mains, mais il a... Tous ces éléments humanoïdes étaient remplacés par un autre petit tiki. Donc en fait, son nez, c'était un tiki. Ses tétons, c'était des tikis. Il en avait un peu partout et il était creux dans le dos. Souvent, il mettait des restes de défunt. Enfin, c'est... Au fur et à mesure, il disait, là, maintenant, lui, il peut faire ça, tu vois. Donc là, il y a le tiki à trompe, lui, il peut respirer sous l'eau maintenant, tu vois. Et ainsi de suite. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, celui à quatre pattes, mais... Moi, l'année dernière, j'avais fait une expo basée uniquement sur une typographie que j'avais inventée, qui reprenait les motifs de tatouage marquisien. Et du coup, en fait, toi, ce travail-là, c'était un... Comment dire, genre, j'ai détourné un peu les motifs pour en faire une typographie, un alphabet, Parce qu'en fait, il y avait aussi cette question de où on, si tu veux, notre société à l'ancienne, elle était basée que sur l'oralité. Donc il n'y avait pas d'écriture qui existait à proprement dit. À part le tatouage, qui est aussi une forme d'écriture quand même. Hein. Mais comme l'écriture comme qu'on connaît tous. Et du coup, je trouvais ça intéressant de faire cette typo-là, qui est un peu, on dirait des hiéroglyphes où tu comprends pas et tout. Et du coup, en fait, ça nous appartient aussi. Et c'est, comment dire, c'est une revanche un peu aussi sur le fait qu'avant et tout, on n'avait pas d'écriture. Quoi. Et du coup, le plan des textes de personnes qui ont marqué la Polynésie, comme Povana ou Henri Giraud et tout, je trouvais ça assez fort. Et écrire, ben, c'est se souvenir aussi, quoi. Moi, ce qui était important, c'était de reprendre des textes, des messages de personnes qui ont marqué la Polynésie, en bien comme en mal. Hein. C'est pas juste. Par exemple, Povana, quand il est revenu de son exil en France, il est resté 15 ans là-bas. Et il disait, la phrase que j'ai reprise, c'était on m'a accusé de vouloir mettre à feu Papeete. Ce sont mes paroles qui ont embrasé les cœurs de mes adversaires politiques et c'est pour la seule raison que j'étais exilé. Donc ça, je voulais me le mettre bien en avant dans ma typographie qui s'appelle le Renimoué. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je donnais à chaque personne qui entrait dans l'expo un alphabet avec la traduction de chaque lettre. Et du coup, en fait, le spectateur est devenu aussi acteur. Et du coup, il essayait de déchiffrer un peu comme un spéléologue et tout, pour déchiffrer les textes qu'il y avait derrière et tout. Et c'est trop marrant parce que c'est justement John HTJ que j'idolâtrais un peu avant de commencer le graphe, parce qu'on voyait plein de sats partout en ville et c'était un des premiers vraiment piliers du graffiti aussi à Tahiti, quoi. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire du graphe. Mais bizarrement, encore ce paradoxe. Genre, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de beaux-arts ici, il faut partir en France ou bien ailleurs et tout. Moi, j'ai décidé de partir en France. C'est marrant parce que maintenant, quand je regarde mon parcours, je me dis, en fait, je suis revenu à la source, quoi. Et en fait, c'est pour ça, pour moi, l'importance de notre culture, elle est tellement vaste. Et justement, quand on parle de détournement, tout ça et tout, on est vachement influencé par les États-Unis, par tout ce qui se passe autour de nous. Alors qu'au final, on devrait d'abord regarder ici parce que y a vraiment un potentiel énorme. HTJ, Chronos, Tahé aussi, qui ont changé un peu. Si je peux dire le game. Et je vois le boom quand même culturel qu'il y a grâce aussi au tatouage, parce que je fais du tatouage maintenant et c'est devenu vraiment une part essentielle dans ma vie, quoi. Donc après, quand je me suis fait tatouer la première fois, j'ai vraiment vu les motifs, comme le hippo encore qui revient. Et à chaque fois qu'on prend par exemple des photos ensemble avec des amis qui ont tous des hippos, c'est beau, tu vois, c'est magnifique et tout, quand tout le monde lève le bras vers le ciel et tout, t'as tous ces bras qui sont alignés comme ça avec tous les hippos, et ça a plus de sens que le placer dans un dos ou bien sur une jambe. Après, c'est sûr, il y a aussi la liberté aussi maintenant où tu te dégages un peu du truc, quoi, mais pour certains motifs, je pense encore que c'est important de respecter les emplacements, comme les pajitos qui sont faits pour les jambes. Si tu mets un pajito sur ton bras, c'est pas. Tu marches sur tes mains, tu vois. Mais même dans. Et en fait, c'est devenu une part essentielle dans mon travail maintenant. Genre, tout ce que je fais a un lien avec la culture polynésienne. Et je suis vraiment content de ça. En fait, d'avoir pu ouvrir les yeux en étant loin de chez moi. Du coup, je voyais toujours de loin mon île. Et je me suis dit vraiment, Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Merci à Antoine Ilki, Tamara Maric, Serge Cherkezov, John Merai, Andreas Detloff et ses perruches, Viri Temana, Patou et Annabelle, Titawa Peou, Chronos, Enyo, HTJ. Merci encore à Noémie Savinien et Souliane Favenec. Coordination Marivonne Abolivier et Perrine Kervran. Prise de son en studio, Manon Houssin. Réalisation, Nathalie Battus. Tahiti perdu, Tahiti retrouvé. Un documentaire proposé par Delphine Morel. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en mer, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, Mururoa, le colonialisme nucléaire. Mais en attendant, restez à l'écoute.